elle nous accueille tendrement. Par deux bisous en arrivant, alors elle s'inquiète de nous. Mes enfants, comment allez-vous? Elle parle toujours doucement, et son visage est souriant. Sauf quand elle gronde quelquefois, elle met dans ses cheveux bouclés un joli nœud de fleurs séchées. Elle porte aussi autour du cou un collier avec des cailloux. Elle porte une bague à son doigt. Est-ce une alliance? Je ne sais pas. Nous, on l'appelle par son prénom. Que l'on soit petit, qu'on soit chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent. Chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent. Dans la classe, elle a des chouchous qu'elle aime un petit peu plus que nous, et elle distribue des images enfants qui sont les plus sages. Quand on a besoin d'un conseil ou pour dessiner un soleil, elle vient quand on a besoin d'elle. Que l'on soit petit, qu'on soit chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent. Que l'on soit petit, qu'on soit chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent. C'est elle qu'on va voir quand on pleure, on a des petits chagrins, ou pour lui offrir une fleur qu'on a cueillie dans son jardin. C'est elle qui nous apprend à lire, et puis à compter, à écrire. Elle nous appelle ses bouts de choux. Que l'on soit petit, qu'on soit chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent. Que l'on soit petit, qu'on soit chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent. Petit, qu'on soit chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent. Que l'on soit petit, qu'on soit chez les grands, c'est la seconde maman. Même quand on a quitté l'école depuis bien longtemps, son souvenir reste présent.